بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نشرع أيها الإخوة والأخوات في قراءة هذه الرسالة المباركة إن شاء الله تعالى on va commencer aux chers frères et sœurs à lire cette épître bénie إن شاء الله تعالى concernant les bonnes mœurs et le bon comportement. L'auteur qui nous dit, rahimahullah ibn Aqil, Faslun, As-salamu al-mubtadi'u yakunu min al-mashi ala al-qa'idi, wa min al-rakibi ala al-mashi wal-jalis, wal-ibtida'u bihi sunnatun. Et donc il nous dit, le premier chapitre, le salam. Le salam commence, il se fait premièrement, tout d'abord, par celui qui marche, celui qui passe en marchant, à celui qui est assis. Et donc le premier à passer le salam, c'est celui qui se déplace. Et donc celui qui marche passe le salam à celui qui est assis. Celui qui est sur une monture va passer le salam à celui qui marche et à celui qui est assis. Et donc si les deux se déplacent, c'est celui qui va être sur une monture qui va passer le salam tout d'abord. Et il nous dit le fait de commencer à passer le salam, le fait de passer le salam en premier est une sunna. Et donc tout d'abord, le premier point, ô chers frères, barakallahu fikum, la différence qu'il y a dans le fait de dire assalamu alaykum et le fait de dire bonjour ou alors sabahul khair, puisque parfois même dans des pays musulmans on entend cette expression sabahul khair, bonjour, au lieu de se passer le salam. Et en réalité, les personnes qui font cela vont délaisser d'énormes récompenses. Sans compter le fait qu'il y a en cela une ressemblance aux incroyants. Et certes, il nous a été interdit de leur ressembler dans leurs pratiques, etc. Et donc, si tu t'adresses à des incroyants, et donc tu vas les saluer comme cela, maintenant, on ne va pas te dire que ceci est interdit. Maintenant, le fait de t'adresser à des musulmans, pourquoi est-ce que tu délaisses le salam? Qu'est-ce qui fait que tu délaisses le salam, cette salutation grandiose? Et certes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nous dit, لَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا وَلَن تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُوا فَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِنْ فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَّبْتُمْ حَفْرُ السَّلَامِ بَيْنَكُمْ. Et donc il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous ne rentrerez au paradis tant que vous n'aurez pas la foi. Et vous n'aurez pas la foi tant que vous n'allez pas vous aimer mutuellement. Puis-je vous montrer quelque chose que si vous le faites, vous allez vous aimer mutuellement? Répandez le salam parmi vous. Et donc, le salam va être une cause de propagation de l'amour entre les musulmans, une cause d'augmentation de la foi, une cause d'entrée au paradis. Pourquoi est-ce que tu délaisses le salam pour dire bonjour? Allah tabaraka wa ta'ala, dans son livre, il nous dit فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً كَذَلِكَ يُبِيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. Et lorsque vous rentrez dans des demeures, alors passez-vous le salam. Alors passez-vous le salam. une salutation venant d'Allah. Subhanallah al-Ali al-Azim. Une salutation venant d'Allah. Comment est-ce qu'on va délaisser une salutation venant d'Allah, tabaraka wa ta'ala, la salutation des croyants, la salutation des gens du paradis, Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit dans son livre, tahiyyatuhum fiha salam. Leur salutation et le fait de se passer le salam, le fait de dire salam. Comment est-ce qu'on va délaisser cela? Et donc il nous dit une salutation qui vient d'Allah, bénite, une bonne salutation. Et c'est ainsi qu'Allah vous montre les signes afin que vous raisonniez. Pourquoi est-ce qu'on va délaisser cette salutation grandiose et importante? Et donc, on apprend le bon comportement, ô chers frères, barakallahu fikoum. Dans le bon comportement, il y a le fait de se passer le salam. Le fait d'enseigner cela à nos enfants. Nos enfants doivent apprendre à passer le salam. Ils vont passer le salam aux musulmans. Cette salutation connue des musulmans et des non-musulmans. Les non-musulmans aussi, ils la connaissent, cette salutation. Parfois, des non-musulmans, quand ils voient les musulmans, ils vont leur dire « Assalamu alaikum ». Pourquoi est-ce que le musulman lui-même va délaisser cette salutation? Et dans le verset, lorsque Allah tabaraka wa ta'ala, elle nous dit que lorsqu'on rentre dans des demeures, nous nous passons le salam. Est-ce qu'on doit passer le salam lorsqu'on rentre dans une maison où on sait qu'il n'y a personne dans la maison? Par exemple, tu rentres chez toi, tu sais qu'il n'y a personne chez toi. Est-ce que tu passes le salam ou pas? Alors là, ici, As-Sa'di rahimahullah, il dit dans son tafsir, يَشْمَلُ بَيْتَ الْإِنسَانِ وَبَيْتَ غَيْرِهِ سَوَاءً كَانَ فِي الْبَيْتِ سَاكِنٌ أَمْ لَا فَإِذَا دَخَلَهَا الْإِنسَانِ فَسَلِّمُوا عَلَى أَنفُسِكُمْ أَيْ فَلْيُسَلِّمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِأَنَّ الْمُسْلِمِينَ كَأَنَّهُمْ شَخْصٌ وَاحِدٌ مِنْ تَوَادُدِهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ. Et donc le Cheikh Saadi rahimahullah, il dit concernant l'explication de ce verset, cela comprend la maison de l'individu ainsi que les maisons des autres. Peu importe qu'il y ait une personne qui soit dans la maison ou pas. Lorsque l'individu rentre dans la maison, fait salimu ala anfusikum. Donc le verset, alors passez-vous le salam. C'est-à-dire que chacun d'entre vous ou que vous passiez le salam les uns aux autres. Mais l'expression qui a été utilisée, fait salimu ala anfusikum, alors passez-vous le salam. Et dit le Cheikh Saadi, c'est comme si les musulmans ne forment qu'un. C'est comme si les musulmans ne forment qu'un. Et ça, on a déjà vu ça dans le hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Les croyants sont comme un seul corps. Et ceci, dans l'amour qu'il y a entre eux, la miséricorde qu'il y a entre eux. Et donc, le fait de se passer le salam, mon cher frère, est une cause importante de l'augmentation de l'amour qu'il y a entre les croyants. Et donc ensuite, le point d'après, barakallahu fikoum, concernant ça qu'a dit l'auteur, certaines personnes parfois pensent que le fait de dire salam, au lieu de dire assalamu alayk, ou assalamu alaykum, certaines personnes, si tu leur dis salam, ils vont penser que c'est un manque de respect. Il m'a dit salam. Il m'a pas dit salam alaik. C'est quoi ça, ce comportement? Qu'est-ce que c'est que cela? Il m'a dit salamun alaikum. Il n'a pas dit assalamu alaikum. Il n'y a pas de mal à tout cela, barakallahu fikum. Allah tabaraka wa ta'ala, dans son livre, il nous cite la salutation Salamun alaykum. Il n'a pas cité Es-salam. Et donc il n'y a pas de mal. Cela rentre toujours dans la salutation donc des croyants, Es-salam. Qu'il y ait le alif wa lam ou qu'il n'y ait pas le alif wa lam. Et donc, qu'est-ce qui est voulu par cette salutation, barakallahu fikoum? Assalamu alaikum. Premièrement, jazakumullahu khairan, il faut savoir que assalam fait partie des noms d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Assalam fait partie des noms d'Allah. Comme il dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, fa inna allaha huwa assalam. Car Allah, c'est lui, le salam. Assalam. Et donc, qu'est-ce qui est voulu par le mot « Es-salam » ? « Es-salam » Allah tabaraka wa ta'ala, celui qui est exempt de tout manquement, de tout défaut. Et donc, les gens, lorsqu'ils vont passer cette... lorsqu'ils vont se saluer ainsi, ils vont invoquer pour que chacun ait avec lui Es-salam. C'est-à-dire, ils vont invoquer pour que chacun soit préservé de tout mal. Et en même temps qu'ils invoquent pour que chacun soit préservé de tout mal, ils vont aussi utiliser par bénédiction, par recherche de la bénédiction, le nom d'Allah tabaraka wa ta'ala qui est approprié à cela, Es-salam. Et donc comme cette invocation est grandiose lorsque tu dis à ton frère Assalamu alayk et que tu médites sur le sens de ta parole, souvent barakallahu fikoum, on va invoquer, on va faire des invocations, on ne cherche même pas à comprendre ce qu'on est en train de dire. Azkar as-sabah wal masa, on est là, on commence les azkar, on ne sait même pas ce qu'on est en train de dire. Il est important, barakallahu fikoum, qu'on médite sur ce qu'on dit. Lorsque tu dis à ton frère, assalamu alaik, c'est une parole qui est grandiose. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse que tu sois préservé de tout mal. Et aussi, il y a dans assalam, ce qu'il y a dans, comme on traduit en français, le salut. Sauf que le mot le salut en français, beaucoup vont le comprendre par ce qu'on appelle la salutation. Non, le salut en français, ou alors es-salam aussi, qu'on utilise aussi dans la langue arabe. Ce qui va être voulu ici, c'est la récompense éternelle. Le salut éternel, la paix éternelle. Et donc, au shafkar, barakallahu fikoum, cette invocation est très importante et grandiose. Et d'ailleurs, donc, concernant l'auteur, concernant le fait que l'auteur, il nous dise que c'est celui qui se déplace. Donc, on comprend de la parole de l'auteur que c'est celui qui se déplace, qui commence par passer le salam. Et celui qui, si les deux se déplacent, alors c'est celui qui est sur une monture. Alors l'auteur, concernant cela, il s'est basé sur un hadith qui est dans Sahihayn. Un hadith de Abu Huraira, radiallahu anhu, qui dit que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Yusallimu s-sagiru ala al-kibir » Le petit va passer le salam au grand. Et donc ça, c'est important déjà qu'on enseigne le comportement à nos enfants. Le petit passe le salam au grand. « Wal-marru ala al-qa'idi » Et celui qui passe, celui qui se déplace va passer le salam à celui qui est assis. Wal qalilu ala al kathir. Et ceux qui vont être peu nombreux vont passer le salam à ceux qui sont nombreux. Ceux qui sont le moins nombreux, ceux qui commencent à passer le salam. Ceci est la sunna. Tayyib, si on fait l'inverse, si on fait l'inverse, est-ce qu'il y a un problème? Non, il n'y a pas de problème. Si on fait l'inverse, cela est permis. Mais la sunna, c'est que c'est celui qui se déplace, celui qui arrive, qui passe le salam. Et la sunna, c'est que c'est le petit qui passe le salam au grand, etc., etc., comme on vient de le voir. L'auteur qui nous dit, rahimahullah, وَإِذَا سَلَّمَ الْوَاحِدُ مِنَ الْجَمَاعَةِ مِنَ الْجَمَاعَةِ الْمُشَاتِ أَوِ الْرُكَابِ أَجْزَأَ عَنِ الْجَمَاعَةِ مَا شَاءَ اللَّهُ. Et donc, lorsqu'il y a une personne qui est dans un groupe de personnes qui marchent ou qui sont sur une monture, ils sont plusieurs. Lorsqu'il y a un d'entre eux qui passe le salam, alors cela suffit pour tout le groupe. Il n'y a pas besoin que tout le groupe passe le salam. Là, vous êtes à la mosquée, s'il y a un groupe de frères qui rentre, il n'y a pas besoin que tout le groupe de 10, de 15, ils passent tous le salam à ceux qui sont dans la mosquée. Juste un, ça suffit. Un d'entre eux, il arrive, salam alaikum, les gens répondent, wa alaikum salam, alhamdulillah, ça suffit. Et donc ça aussi, ça c'est important à apprendre, barakallahu fikum. L'imam Malik, rahimahullah, il cite donc un hadith donc, que les savants ont jugé comme étant faible, mais dont le sens est correct. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Yusallimu al-rakibu ala al-mashi wa idha sallama minkum al-qawm wahid ajza'a anhum » Et donc, ceux qui vont être sur une monture vont passer le salam à celui qui est sur une monture va passer le salam à celui qui marche. Et lorsque une personne d'un groupe passe le salam, alors cela suffit pour tout le groupe. Le hadith, il est, comme je l'ai dit, le hadith, il est faible. Mais les savants, ils ont jugé que le sens du hadith est correct. L'auteur qui continue, rahimahullah, et il dit, وَإِذَا رَدَّ وَاحِدُ مِنَ الْجُلُوسِ أَجْزَأَ عَنِ الْجَمَاعَةِ. Et lorsque un du groupe répond au salam, cela suffit pour tout le groupe. Cela suffit pour tout le groupe. Et donc ça, c'est la même argumentation qu'on a citée précédemment. Et donc encore, on revient sur ce sujet. Lorsqu'il y a un groupe de personnes qui rentrent dans un endroit ou qui arrivent chez quelqu'un, il suffit qu'une personne de ce groupe passe le salam et cela suffit pour tout le groupe. Ensuite, ceux qui doivent répondre au salam, il suffit qu'une personne passe le salam, ou du moins réponde au salam, et cela suffit. Tayyib, on a vu tout à l'heure que le fait de passer le salam est une sunna. Le fait de commencer à passer le salam, ceci est une sunna. Taïb, le fait de répondre au salam, c'est une obligation. Taïb, concernant la description du salam, sifatus salam, mashallah, le cours concernant sifatus salam, ça va être un peu long. Si on commence maintenant, ça va être un peu long. Et le prochain cours, ça serait dommage, Inch'Allah. Donc, ce qu'on va faire, c'est que nous, on va arrêter là pour aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala. Et puis, au prochain cours, on verra la description du salam avant d'entamer la semaine d'après, bi'inillah ta'ala, le sujet de Al-Musafaha, Inch'Allah ta'ala. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yardahu wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.